papier. Elle toucha sa requête en lettres détachées. Pour le vieux Père Noël, c'est le Noël de Lily. Rock and roll, une petite fille de 8 ans et toutes ses dents, c'est le Noël de Lily. Rock and roll, une petite peste sadique au cri perçant. Grandir.